mon bouc, prends mon bouc, prends mon bouc et fleur. Il est temps, il est temps, il est temps, chanteur. Prends-le donc et partons de ce pas. Demandez ta main à ton papa. Je suis free, je suis free, je suis frissonnant. Partons sûr, partons sûr. Partons sur le champ. N'attends pas surtout qu'il soit trop tard. Allons, dépêche-toi, car il est midi un quart. On n'a pas une minute à perdre. Et pour que j'aie ton cœur en tout bien, tout honneur, prends mon bouc,